Comment contribuerez-vous au succès de l'entreprise? Expliquez comment vous avez relevé des défis similaires dans un autre environnement de travail et comment vos initiatives ont contribué à améliorer les choses. Donnez un portrait précis et positif de ce que vous pouvez faire.